إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue la suite de cette explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan dans cette conférence qu'il a donnée au sujet de yani, l'obligation de la vérification et du respect des ulama et de la connaissance ou de la clarification de leur statut ou de leur niveau que j'ai renommé « Oh jeune, ne te laisse pas avoir ». Le Cheikh il continue dans l'explication du hadith qu'on a mentionné, qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est satisfait pour vous de trois choses et qu'il déteste pour vous trois choses. Il est satisfait pour vous que vous l'adoriez et que vous n'associez rien avec lui. Il est satisfait que vous vous accrochiez au câble d'Allah tous ensemble et que vous ne vous divisiez pas et que vous donniez le conseil, an-nasiha, à celui à qui Allah a donné le pouvoir sur vous, ou l'autorité sur vous. Donc c'est le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Et donc c'est un hadith sahih. Et on a expliqué que la première partie de ce hadith, ça représente la rectification et la réforme de la aqidah, de la croyance. Donc le cheikh il dit, في الحديث الذي سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يدي للشيخ فهذا الحديث أمرنا فيه صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء: بوحدة العقيدة في قوله وأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبوحدة المرجع والمصدر الذي نرجع إليه في حل مشاكلنا في قوله وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وبوحدة القيادة في قوله وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. Donc le Cheikh explique que dans ce hadith le prophète صلى الله عليه وسلم nous a ordonné trois choses. Premièrement, l'unité dans la croyance, dans la aqidah, ça c'est dans la première partie, d'adorer Allah et de ne rien associer avec lui, pas faire le shirk, donc de s'unir dans la aqidah et d'être uni dans cette aqidah, c'est le tawhid, hein, et le rejet du shirk. Deuxièmement, d'être uni dans la référence, hein, dans la référence qu'on a comme, et la source qu'on emploie comme référence dans notre religion pour résoudre nos divergences et nos problèmes, c'est-à-dire le câble d'Allah. Et le câble d'Allah, on a expliqué que c'est le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est à ces deux sources-là qu'on doit revenir et qu'on doit se cramponner tous ensemble et ne pas se diviser sur cette base. Et la troisième aspect, c'est l'unité dans al-qiyada, c'est-à-dire dans la dirigeance, hein, c'est-à-dire l'unité dans la dirigeance, c'est-à-dire que on doit être unis autour d'un dirigeant, autour du dirigeant, Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba étaient tous unis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu les khulafa al-rashidin, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, radiyallahu anhum. Et puis après, il y a eu d'autres parmi les khulafa qui ont dirigé la umma. Puis après une certaine époque, il a commencé à y avoir des différents états, différentes et une séparation dans les différentes contrées de l'islam. Chaque région était gérée par un dirigeant différent. Toutefois, les ulama, lorsque ces choses-là se sont produites, les ulama ont dit que chaque dirigeant dans la région où il est, c'est une obligation pour lui de faire respecter la charia d'Allah et d'appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'établir les peines et ainsi de suite, et que chacun d'entre eux donc était le wali ou amr de la région qu'il avait comme endroit où il était au pouvoir. Donc à la base c'est de s'unir derrière un seul dirigeant, mais étant donné que après certains temps dans l'islam les musulmans ont été séparés en différents états, différents pays. Donc, par la suite, yani, c'est selon la région, chacun doit obéir aux dirigeants là où il est dans les pays musulmans. Et qu'on doit donner à ce dirigeant-là la nasiha. La nasiha. Et que ça fait partie du fait qu'on soit unis. Et que si les gens commencent à se disputer le pouvoir et commence à appeler à des manifestations ou à des révoltes ou à des rébellions ou des choses de ce genre, et qu'il abandonne le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba et des tabi'in et des salaf, eh bien c'est là que la division va augmenter, hein? Et c'est ça qui a été déjà à la source ou à la base des divisions qui se sont produites dans le passé, hein? Depuis l'époque de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, où il y a eu la première fitna, la grande fitna, eh bien, ça a continué par la suite et ça s'est reproduit plusieurs fois à travers l'histoire. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne de donner à notre dirigeant la nasiha, de lui donner le bon conseil. Et il mentionne le hadith. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. C'est-à-dire, ad-din un-nasiha, la religion c'est la sincérité. Et les sahaba ont dit à qui ou envers qui? Au messager d'Allah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est envers Allah et envers son livre et envers envers les musulmans, envers les dirigeants des musulmans, envers son messager, envers les dirigeants des musulmans et les musulmans en général. On doit être sincère envers eux et leur donner le bon conseil, hein? Lorsque tu es sincère envers quelqu'un, est-ce que tu vas lui cacher une information qui est bénéfique pour elle, bénéfique pour lui, si c'est quelqu'un envers qui tu veux être sincère? Non. Tu vas tout faire pour lui faire savoir ou lui faire connaître qu'est-ce qui est bon pour lui ou elle, hein? Et donc ça fait partie du bon conseil, de la sincérité envers les gens, hein? Et le cheikh il dit ensuite munasahatu ulat al-umur wan-nasiha lahum wa ta'atuhum fil ma'ruf kama qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum hadha mimma yahsul bihi al-ijtima' wal-i'tilaf والقوة للمسلمين فهذه الأمور الثلاثة وحدة العقيدة ووحدة المصدر ووحدة القيادة إذا تجمعت للمسلمين فإنه قد اجتمع لهم الخير كله وهذه الثلاثة والحمد لله مجتمعة لنا الآن عقيدتنا عقيدة التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Donc, le cheikh, il explique ensuite donc, que donner la nasiha aux dirigeants, hein, et de leur obéir dans le bien, ça c'est ce qui est ordonné dans l'islam. Donc, si on a un problème, ou s'il y a quelque chose qui se passe, que le dirigeant fait, et que c'est quelque chose qu'on considère qui est contraire au Coran, contraire à la Sunna, quelque chose qui est contraire à, yani, à qu'est-ce qui est correct. Notre devoir en tant que musulman, c'est de donner à ce dirigeant la nasiha. Ok, et de lui faire parvenir cette nasiha par les moyens qu'on est capable d'utiliser. Soit directement, en allant lui parler si c'est possible. Si c'est pas possible, d'aller vers les autorités ou les gens qui sont responsables pour leur faire transmettre ce message indirectement. Ou de s'adresser aux ulama qui, eux, ont des contacts directs avec certains de ces dirigeants-là pour leur faire parvenir cette nasiha. Et ça, c'est la méthode de l'islam, la nasiha. La méthode des kuffars, c'est les manifestations pour faire des pressions, pour essayer de contraindre le dirigeant à changer d'opinion ou changer de point de vue. Et ça, c'est une méthodologie qui est en opposition avec l'islam. Et l'islam interdit cette voie-là, c'est-à-dire les manifestations, les marches, les démonstrations, et ainsi de suite. Donc tout musulman qui appelle à ça, il a contredit le manhaj de l'islam, le manhaj des sahaba, le manhaj des salaf, al-salih. Il n'est pas sur la bonne voie. Il est sur une voie d'égarement. Il est sur la voie des khawarij. Même si il pense qu'il est sur la bonne voie. Donc, la voie de l'islam, c'est la voie de la nasiha. Mais pas par les méthodes des gens de bid'ah, par la méthode des gens de la sunna, de donner le bon conseil en privé, comme c'est mentionné dans les hadiths authentiques à ce sujet-là. Et cette voie, cette façon, si on l'emploie et qu'on obéit à nos dirigeants dans le bien, même quand ils font des péchés ou même quand ils sont injustes et qu'on ne va pas appeler à la rébellion ou à se révolter contre eux, c'est ce qui amène l'unité des musulmans et la force des musulmans. Toutefois, si dans les musulmans, il y en a qui se disputent le pouvoir entre eux, qui se créent des partis ou des groupes et qui appellent les musulmans à la révolte, eh bien ça crée des divisions entre les musulmans et ça affaiblit les musulmans. Et ça permet par la suite, même aux ennemis de l'islam, de contrôler les musulmans, de faire des désordres dans les pays musulmans et de les éloigner encore plus de l'islam. Et c'est ça ce qui se passe maintenant dans les pays musulmans. Et tout ce qu'on a vu, qui s'est passé dans l'année dernière ou durant toute l'année, les manifestations et les révoltes dans les pays arabes et non arabes, c'est des manifestations de l'opposition justement au manhaj d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Hein. Et les répercussions de ça, on les a vues. On a vu qu'elles sont mauvaises. Et ces gens-là qui ont ouvert cette porte, ils ne seront jamais capables de la fermer. Et ça va se retourner contre eux. Ils ont utilisé cette méthode pour essayer de prendre le pouvoir et d'autres vont l'utiliser contre eux par la suite. Et c'est un cercle vicieux qui ne ferme pas. Hein. Comme qu'est-ce qui se passe en Égypte, ceux qui ont pris le pouvoir en Égypte, c'était par cette méthode. Ceux qui avaient fait le coup d'état contre le roi Farouk, c'était par cette méthode. Hein? Et ensuite, ceux qui ont pris l'armée, c'était des gens qui faisaient partie des groupes de franc-maçonnerie, qui s'étaient infiltrés dans l'armée et qui ont comploté ce genre de coup d'état, qui ont renversé le roi Farouk par la suite, avec l'aide des Ikhwan et de d'autres groupes, d'autres tendances. Là, ils ont pris le pouvoir et avec l'armée, ils ont contrôlé le pays pendant des années. Et étant donné qu'ils ont l'expérience, ils l'ont fait à quelqu'un. Donc, ils ne veulent pas se le faire à eux aussi. Donc, ils tiennent le pouvoir solidement et ils savent toutes les manigances et les ruses et les méthodes pour arriver à faire ce genre de choses-là, puisqu'ils l'ont fait eux-mêmes. Alors, ils ont essayé d'empêcher tout ça. Et là, il y a eu ces manifestations-là et ainsi de suite, mais ça reste que c'est toujours l'armée qui dirige en arrière. ils ont fait des élections, mais il n'y a rien qui change vraiment. Maintenant, c'est les Ikhwan qui sont, soi-disant, en avant. Et dernièrement, il y a Cheikh Raslan, Hafizahullah, qui a fait une khutbah, et il a parlé. Il dit, qu'est-ce que les gens de la Sunna doivent faire quand les Ikhwan sont au pouvoir? C'est-à-dire quand des gens de Bid'a sont au pouvoir. Et il a expliqué que on doit écouter et obéir à ce dirigeant-là, même si c'est un mubtadi, même si c'est un munharif, un égaré, hein, dans le bien. On lui obéit et on l'écoute dans le bien. S'il nous ordonne un péché ou qu'il fait quelque chose qui est contraire à l'islam, on se désavoue de ce qu'il fait qui est contraire à l'islam. On ne l'approuve pas. On le dénonce par notre cœur. Et les ulama vont réfuter les choses qui sont contraires à l'islam dans ce que ces gens-là vont dire ou vont faire. Sauf qu'on ne va pas appeler à la révolte ou à la aux manifestations ou des choses de ce genre. Et il a donné l'exemple de ce qui s'est passé à l'époque de l'imam Ahmad ibn Hanbal avec les Mu'tazila qui appelaient à la bid'a de khalq al-Qur'an, qui appelaient les musulmans à dire que le Qur'an est créé et qui imposaient cette idée-là par la force. Et le khalifa avait accepté cette croyance-là, et il imposait cette croyance à tous les imams, tous les juges, tous les gens qui prêchaient dans les mosquées et ainsi de suite. Tous les ulama étaient obligés de dire cette parole, sinon ils ne pouvaient plus continuer à prêcher ou à enseigner ou à être juge dans les tribunaux ou ainsi de suite. Donc ça a été une grande fitna. Et cette parole de Khalq al-Qur'an en passant, c'est pas juste une petite affaire. Les ulama de l'islam ont dit que c'est une parole de kufr et que celui qui dit cette parole, il est kafir. Il y a plus que 500 d'entre les imams d'Ahl Sunna qui ont fait, qui ont mentionné que de croire que le Coran est créé, c'est une croyance, une aqidah kufriya, c'est du kufr. Et l'imam Ibn al-Qayyim, il mentionne même dans Nouniya qu'il y a plus que 500 d'entre les savants de Ahl Sunnah qui ont mentionné que de dire que le Coran est créé, c'est kufr. Donc c'est une aqidah de kufr. Et ils appelaient ouvertement et clairement à quelque chose qui est kufr. Hein? Et malgré tout, quand les gens sont venus voir l'imam Ahmed pour dire est-ce qu'on ne doit pas se révolter contre lui, contre ce khalifa, il y a trois khulafa qui ont été dans cette croyance, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq et Al-Ma'moun, le premier, c'était Al-Ma'moun, après Al-Mu'tasim et après Al-Wathiq. Donc trois khulafa qui sont passés sur cette fausse croyance de kufr. Et malgré tout, il ne les a pas déclarés kufars. Et il a dit, c'est interdit pour les musulmans de se rebeller contre eux. Hein? Et on doit les écouter et les obéir dans le bien. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, imam ou Ahl Sunnah. Donc imaginez maintenant ces gens aujourd'hui, c'est la même chose, qui appellent à des bid'ahs et à des choses qui sont contraires à l'islam. Et vous avez vu les Ikhwan pendant des siècles et des siècles, en train de, enfin, plutôt des décennies, pas des siècles, des décennies en train de dire aux musulmans que les dirigeants des pays arabes sont des koufars parce qu'ils ne jugent pas selon la loi d'Allah et qu'ils n'appliquent pas la charia d'Allah. Et maintenant les voilà à la tête d'un gouvernement, d'un pays qui n'applique pas la charia d'Allah et qui juge par autre que la charia d'Allah. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Pourquoi ils n'ont pas mentionné que de participer aux élections c'est haram ou qu'il y a du shirk dans la démocratie et que c'est kufr? Parce que tu appelles à établir le pouvoir du peuple par le peuple et que c'est les électeurs ou les députés dans le parlement qui vont décider ce qui est légal ou illégal et que ça c'est le tashri' et que la législation, le tashri' c'est un des droits qui est réservé à Allah seul et que celui qui veut s'approprier de ce droit c'est un kafir, il n'a pas le droit de faire ça et ainsi de suite. Pourquoi ils n'ont pas mentionné ces choses-là? Pourquoi ils ferment les yeux devant ces réalités-là? Hein? Et que là, maintenant, ils sont au pouvoir, ils vont. Ça veut dire le gars, il va rentrer tous les jours dans le Parlement, et puis il doit voter des lois, interdire des choses, et rendre des choses halal que Allah a déclaré haram, rendre haram ce que Allah a déclaré halal, et ainsi de suite. qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Hein? Est-ce qu'ils vont continuer dans leur voie de takfir, de khawarij, comme ils faisaient avant? Ou bien ils vont commencer à remodeler leur discours pour s'adapter à une nouvelle situation, comme ils le font à chaque fois, pour satisfaire les désirs et les passions de leurs objectifs politiques et autres? On va voir. Hein. Ils vont se démasquer eux-mêmes, comme ils l'ont toujours fait. Mais qu'est-ce qui est important, hein, c'est de revenir au manhaj des salafs. À qu'est-ce qui est clair dans le Coran et dans la Sunna, et de savoir qu'il n'y a pas de salut en dehors de cette voie. Et que si on veut sortir de tout ce qui se passe comme fitna, c'est la seule façon de s'en sortir. Donc, le Cheikh il dit فهذه الأمور الثلاثة وحدة العقيدة وحدة المصدر وحدة القيادة إذا تجمعت للمسلمين فإنه قد اجتمع لهم الخير كله. Donc, ces trois choses, l'unité dans l'aqida, l'unité dans les références et l'unité dans le gouvernement, dans le pouvoir, qu'on est unis dans ces choses-là, si on a réuni ces choses-là, eh bien, on a réuni tout le bien, tout ce qui est bon. Mais ce n'est pas possible, en fait, comme qu'est-ce que le cheikh il explique là, il dit d'être uni dans ces trois choses. Mais si tu n'es pas uni dans la première, tu ne pourras jamais être uni dans les autres. Tu ne pourras jamais être uni dans le reste. Si dans le premier, dans le deuxième, c'est-à-dire dans l'aqida, tu n'es pas uni, chacun il a une aqida différente, et dans les références que tu suis comme principe dans ta religion, tu te réfères pas au Coran et à la Sunna premièrement, et que tu prends d'autres principes comme référence, c'est pas possible d'être uni par la suite. Donc le cheikh il dit que pour nous, alhamdoulilah, ces trois choses là sont réunies. C'est-à-dire, il parle de l'Arabie Saoudite. Ils sont unis sur la aqida, le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Il dit aqidatuna aqidatu tawhid al-khalis. Falaysa indana walhamdulillah shay'un min madahir al-shirk allati tujadu fil bilad al-ukhra, biladuna bilad al-tawhid wa bilad al-aqida wa bilad al-da'wa kama kanat fi ahd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa la tazal bi idhnillah. Donc il dit notre aqida c'est quoi? C'est la aqida du tawhid, l'unicité d'Allah pur. Dans le sens qu'on ne va pas trouver chez nous, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, alhamdulillah, on ne va pas trouver des manifestations de shirk apparentes, comme on les retrouve dans les autres pays. Tu vas dans les autres pays musulmans, tu trouves des manifestations de shirk apparentes, en plein jour. Hein? Des gens qui vont faire des choses qui sont shirk, hein? Bawah, clair, il n'y a pas de doute. Des gens qui vont adorer des tombeaux, qui vont faire des pèlerinages à des saints, et qui les invoquent en dehors d'Allah, et qui font des sacrifices pour les tombes, qui font qui demandent des vœux aux morts, et qui les invoquent, qui les appellent au secours en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ça c'est quelque chose que tu ne vas pas retrouver là-bas. Mais auparavant, oui. Avant la da'wah du tawhid établie par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, tu trouvais ces choses-là, c'était partout. Mais avec la da'wah qui est venue réformer et corriger ces problèmes qui existaient dans l'aqida, ces choses-là maintenant sont disparues, elles ont été éliminées. Et c'est cette chose-là qu'il doit y avoir, cette réforme qu'il doit y avoir dans les autres pays musulmans. Et toute réforme dans les pays musulmans qui ne débutent pas par cette réforme-là est une apparence de réforme, mais qui n'est pas une réforme réelle. C'est pour cette raison-là que tout ce que vous voyez comme manifestation et comme bruit autour de la politique et autres, ceux qui appellent à la justice et à autre chose, la liberté, des trucs de ce genre dans les pays arabes pour réformer quelque chose, dans les pays non-arabes aussi, parmi les pays musulmans, mais qui ne commence pas par la réforme de la aqida et d'éliminer les manifestations apparentes de shirk qui existent dans leur pays et d'appeler les gens à revenir à la sunna et d'abandonner la bid'a, il n'y aura pas de changement dans les autres aspects de la société, que ce soit politique ou économique ou autre, parce que les gens ne sont pas changés eux-mêmes, hein, ils n'ont pas corrigé leur propre aqida, leur propre manhaj. Donc comment ils pourraient changer dans les autres aspects de la vie? Le problème c'est pas seulement à cause du dirigeant, celui qui est assis sur la chaise du pouvoir, et puis à cause de lui tout va mal, puis le peuple c'est des anges. Le peuple sont parfaits à 100%. C'est seulement un qui est mauvais, puis le reste sont tous bons. Si c'était ça le problème réellement, hein, on n'aurait pas tout ce qu'on voit maintenant. Le problème, c'est pas seulement un seul homme. C'est pas seulement une personne qui est au pouvoir. Le problème, c'est, hein, les gens au complet, la population, le peuple au complet qui doit se réformer. Chaque individu doit se réformer. Chaque famille doit se réformer. C'est pas seulement une personne. Et donc le fait de changer une personne, ça ne va pas changer le peuple au complet. Les problèmes vont rester. Et c'est pour ça que les gens disent, on a fait toutes ces manifestations-là, on a vu que par la suite, les problèmes continuent. On était pauvres, on est encore pauvres. On avait des problèmes, on a encore des problèmes. Hein? Il y avait de la corruption, il y a encore de la corruption. Il y avait ci, il y a encore ça. Hein? Et pour les manifestations apparentes de shirk sont encore là. Parce que c'était pas ça la priorité pour eux. Tu vois, par exemple, par exemple, en Égypte, là où les Ikhwan ont pris le pouvoir, les tombes de Al-Hussein, Al-Badawi, Zainab et d'autres également, parmi les tombes qui sont adorées, sont encore adorées aujourd'hui. Il n'y a pas eu de da'wa faite pour faire en sorte que ces manifestations de shirk-là soient éliminées. Ces choses-là sont encore là. Et les Ikhwan, depuis l'époque de Hassan al-Banna jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais combattu ces manifestations-là. Parce qu'ils ont dit que ce n'est pas ça la priorité pour nous, c'est la politique. Hein? C'est l'économie. C'est les autres problèmes sociaux. Ce n'est pas la aqida. Ça, c'est quelque chose de secondaire. Il faut mettre ça de côté. Il faut s'unir avant. Hein? Et là, même avant l'élection, ils disaient, on ne va pas appliquer la charia. Parce qu'ils ont vu que les laïcs et les autres démocrates, ils ne voulaient pas la charia. Ils ont eu peur de perdre les votes de ces gens-là. Donc, ils ont dit, on ne va pas appliquer la charia. N'ayez pas peur. Soyez en confiance. Et en Tunisie, la même chose. Ils ont dit, on ne va pas appliquer la charia. Inquiétez-vous pas, vous les laïcs. Hein? Et ainsi de suite. Parce qu'avant, ils disent avant, comme Hassan al-Turabi, il a dit la même chose au Soudan. Quand les Ikhwan du Soudan ont pris le pouvoir au Soudan, ils ont dit, on ne va pas appliquer la charia, parce qu'avant d'appliquer la charia, il faut réformer la société. Et Cheikh Mohamed Aman al-Jami, il a dit à ce sujet, il a dit, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réformé la société avec la charia. Donc, avec quoi vous allez réformer la charia si ce n'est pas par la charia? La charia, elle est venue pour réformer la société. Donc il faut quelque chose d'autre que la charia pour réformer avant d'appliquer la charia. C'est quoi cette autre chose-là? Hein? Donc c'est des exemples comment ces gens-là jouent en fait. Hein? C'est pour ça que Yanni le Cheikh, il mentionnait qu'à l'époque de Hassan al-Turabi, ils ont voulu fermer une manufacture d'alcool à son époque. Et quand Hassan al-Turabi a entendu ça, il a ordonné que elle soit réouverte. Il a dit non, il ne faut pas interdire ces choses-là, il ne faut pas appliquer la charia comme ça, il faut réformer la société avant, pour que les gens par eux-mêmes ne veulent plus appliquer, hein, veulent plus boire de l'alcool, puis après ça, ils vont soi-disant appliquer la charia. Donc, c'est des gens qui n'ont rien compris de l'islam en réalité. Et donc, ça, c'est des exemples de ce que j'explique, pour faire comprendre qu'il faut qu'il y ait une réforme de la aqida avant tout, et le combat des manifestations de shirk, hein? Et c'est comme ça que les prophètes d'Allah ont commencé leur réforme, ont commencé leur da'wah, hein? Il y a un bon livre de Cheikh Mohamed, Cheikh Rabi al-Madkhali, pardon, justement je pense que je l'ai trouvé ici, en tout cas je pense que c'est le deuxième livre en haut là. Il explique, non c'est pas celui-là, en tout cas il explique Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah, la méthodologie des prophètes dans la da'wa à Allah. peut-être c'est pas celui-là, mais en tout cas, c'est un livre qui nous explique comment les prophètes ont fait la da'wah. C'était quoi leur méthodologie? Et il met ça en parallèle ou en opposition avec les méthodologies des groupes de Hezbollah aujourd'hui qui existent et qui prennent leur temps à combattre d'autres choses que qu'est-ce qui est fondamental, c'est-à-dire de combattre autre chose que le shirk, hein, et le kufr et ainsi de suite. Donc, première chose, réforme de la aqida. Hassan al-Banna, à son époque, il assistait aux qu'est-ce qu'ils appellent les mawalid, hein, les célébrations de la naissance des saints et des saintes, hein, et il assistait à ces manifestations de shirk et de bid'ah, et il chantait même avec ceux qui étaient là avec lui parmi les soufis, hein, il faisait les hadra parce qu'il faisait partie d'une tariqa soufia, la tariqa al-hisafiyya, et il avait donné lui-même une bay'a, un cheikh d'une tariqa, hein? Et il disait: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر سامح الكل فيما مضى وجرى. Ça veut dire الحبيب, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il s'est présenté parmi les ahbab, parmi les soufis qui sont réunis avec eux, et il a pardonné à tout le monde ce qui est arrivé, ce qu'ils ont fait. Ça veut dire, il croit que, comme beaucoup de soufis, ils croient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette hadra, il se présente, il vient en personne. Pendant qu'ils font leur danse et leur chant, et qu'ils font leur azkar, leur tambour, et ils tapent les tambours, et puis ils commencent à sauter, puis à danser, puis à tourner en rond, puis à crier. Et bien, pendant qu'ils sont en train de faire ça, ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient, il apparaît parmi eux. C'est pour ça qu'ils l'appellent hadra. Et il chante cette chanson, Samih al-Kul fi ma mada wa jara. Et il chantait les vers des poèmes de Al-Burda. Et dans cette poème-là, il y a des paroles de shirk. Wa inna min judika ad-dunya wa darrataha, wa inna min ulumika ilmu al-lawhi wal-qalami. Il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam la connaissance de la plume et de la table préservée, al-lawh al-mahfouz. Ça, c'est une connaissance du ghaib. Et c'est seul Allah qui connaît cette science-là. Ça fait partie des exemples, des égarements et des innovations dans la croyance de cet homme qui s'appelle Hassan al-Banna, que eux ont pris comme le guide suprême, hein, al-murshid, comme ils l'appellent. Et ceux qui l'ont suivi par la suite, c'est la même chose. Et vous remarquerez que ceux qui sont à la tête de ce groupe, hein, ce ne sont pas des ulama. Chaque fois qu'ils choisissent un murshid, c'est pas pour son ilm de la charia, pour sa science de l'islam, non. Vous allez voir que c'est des ingénieurs, hein, des docteurs, et ainsi de suite. Pas des ulama de l'islam. Et ce qui est bizarre, c'est que justement, encore là, maintenant, celui qui est élu, il a été, hein, choisi probablement par le murshid de la jama'a pour se présenter aux élections. Et il a une bay'a à ce murshid. Donc, est-ce que il va obéir encore à son murshid pendant qu'il est le président de la République? C'est-à-dire, est-ce que le vrai président, ce sera peut-être le murshid de la jama'a des Ikhwan, à qui il a une bay'a, et non pas lui. Mais lui sera juste peut-être un pantin que eux vont contrôler, ou ainsi de suite. Mais c'est ça le malheur de ces gens, Yanni, de la Hizbiya, des gens de Bida'as. En tout cas, passons à la suite de ce que le cheikh explique. وكذلك عندنا وحده المصدر وهو كتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم فنحن والحمد لله نحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الصغيرة والكبيرة نطبق الحدود ونقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وننفذ الحدود هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى قيادتنا والحمد لله مسلمة قامت على الكتاب والسنة وعلى الدعوة إلى الله عز وجل لا أقول بأننا قد كملنا من كل الوجوه عندنا نقص وعندنا خلل ولكن هذا يمكن إصلاحه بالتعاون على البر والتقوى والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتناصح والعمل بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Donc le cheikh il dit ensuite que de même que on est uni dans notre référence par rapport à la religion d'Allah, c'est-à-dire que on se réfère au livre d'Allah et à la sunna de notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et louange à Allah subhanahu wa ta'ala, on juge par le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam dans les affaires qui sont grandes et les affaires petites, et on juge selon cette charia et on applique les peines de l'islam et on établit l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal et on exécute les punitions lorsque c'est le temps de le faire. Et ça, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a une unité dans la aqidah, une unité dans les références. Et ensuite, nos dirigeants, alhamdoulilah, ils sont établis, ils sont musulmans, par la grâce d'Allah, sont des dirigeants musulmans, et ils sont établis sur le Coran et sur la sunna et sur la da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, je ne dis pas qu'on est arrivé à la perfection dans tous les points de vue. Hein? On a des fautes, on a des défauts, on a des faiblesses, on a des failles. Mais c'est des choses que nous pouvons corriger. C'est des choses qu'on peut corriger si on s'entraide et on collabore ensemble dans at-taqwa et dans le fait de retourner à Allah et à son messager, à la sunna du messager, au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on se donne les uns les autres le bon conseil et qu'on agit selon la parole, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-din an-nasiha. Vous allez voir que si des frères ils ont des problèmes entre eux, c'est pas seulement au niveau du gouvernement que ça s'appelle an-nasiha, nasiha même au niveau de entre frères, même au niveau entre les différentes organisations qui travaillent pour la da'wah ou groupes qui travaillent pour la da'wah, il faut qu'il y ait at-tanasuh, le bon conseil. Et an-nasiha, ça implique tout le temps la notion de sincérité. C'est impossible de faire quoi que ce soit pour l'islam si au fond de notre cœur on n'est pas sincère envers Allah. Impossible. Donc c'est la chose la plus importante en réalité, que on peut dire les plus belles paroles, puis montrer qu'on a les meilleures intentions, mais que si dans notre cœur, au fond, on n'est pas sincère envers Allah, c'est impossible qu'on travaille pour quoi que ce soit, faire quoi que ce soit pour l'islam. C'est impossible. Donc, il n'y aura pas d'union, il n'y aura pas d'unité s'il n'y a pas de ikhlas, s'il n'y a pas de sidq, de véracité et de sincérité, d'honnêteté. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu montres de toi-même et qu'est-ce que tu caches de toi-même, ça doit être la même chose. Il ne doit pas y avoir une contradiction entre ce qui sort de ta bouche avec ta langue devant tes frères et ce qui est dans ton cœur et ce que tu caches dans ton cœur. Il ne doit pas y avoir de différence entre ce que tu dis devant tes frères en public et ce que tu dis en privé avec certaines autres personnes. C'est-à-dire, tu dois être transparent dans ces aspects-là. C'est le temps de travailler pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire des activités pour faire avancer l'islam et la da'wah de l'islam. Hein? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il faut qu'il y ait la nasiha. Et c'est envers qui? Envers Allah. Envers le livre d'Allah, envers son messager, envers les dirigeants des musulmans et les musulmans en général. الشيخ يقول ومعنى ذلك أن نتمسك بهذه النعمة. donc il dit la signification de ça, c'est que si on a tous ces trois choses là, eh bien il faut s'accrocher à cette grâce qui vient d'Allah سبحانه وتعالى. وأن نشكر عليها. et il faut être reconnaissant envers celle-ci. وأن نعمل على بقائها وتنميتها. et il faut travailler pour faire en sorte qu'elle demeure, qu'elle reste et qu'elle augmente. وأن نصلح ما يحصل فيها من الخلل بالطرق الصحيحة السليمة. Et qu'on essaie de faire des réformes pour corriger ce qu'il y a comme défaut ou comme faille par des méthodes qui sont propres et qui sont saines et qui sont correctes. بطرق العلاج السليمة الصحيحة التي أرشد إليها نبينا. Par les méthodes qui sont correctes et qui sont propres, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué de le faire. Et هذه النعمة نعمة عظيمة فلنحافظ عليها وإن لم نتمسك بها وإن لم نحرص عليها فإنها سوف تضيع من بين أيدينا. Donc il dit que c'est une grande grâce d'Allah, il faut la préserver. Et que si on ne s'accroche pas à cette grâce et qu'on ne fait pas des efforts pour la garder et la préserver, eh bien on va les perdre, elle va nous glisser des mains, elle va nous échapper. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça c'est très important. Et alhamdoulillah, donc comme on a mentionné tout à l'heure, les méthodes de nasiha dans l'islam sont connues. On a dit qu'on doit corriger les problèmes qui existent entre les musulmans par la nasiha. Mais il y a des groupes où il y a des gens, des individus parmi les musulmans qui, eux, sont sur une autre méthodologie, un autre manhaj, et qui utilisent les manifestations ou les révoltes ou les coups d'état ou les autres méthodes, et ces gens-là, comme on a expliqué tout à l'heure, ils font plus de désordre que de bien, et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné d'écouter et d'obéir aux dirigeants, même s'il est injuste. Et dans le hadith, il dit, même s'il frappe ton dos et qu'il prenne tes biens, écoute et obéis dans le bien, hein. Ça c'est des hadiths authentiques, et beaucoup de gens les ignorent, et ceux qui les connaissent, parmi ceux qui ne les appliquent pas, eh bien, ils essaient de les rejeter pour suivre leur passion, hein, avec toutes sortes de shubuhat. Mais, alhamdoulilah, les ulama de Ahlus Sunnah, ils les ont clarifiés, ces hadiths-là, ils ont mentionné leur signification dans les livres de Aqida et de Manhaj, et ils expliquent que c'est de suivre, hein, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba et des tabi'in, et d'obéir dans le bien. Et que si le dirigeant fait un péché, ou qu'il ordonne un péché, ou qu'il fait quelque chose qui est contraire à l'islam, d'être patient, de lui donner la nasiha, et d'écouter dans le bien. Et de ne pas appeler à la révolte, et de ne pas appeler à la rébellion. Ça, c'est un des fondements de Ahl-Sunnah. Et que ceux qui ont contredit dans ça, ce sont les Khawarij et les Mu'tazila. Donc ça, c'est très, très important de le répéter. Le cheikh, il parle maintenant des causes de la division. أسباب التفرق. إذ والتفرق له أسباب كثيرة من أعظمها أولا مخالفة منهج السلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم. فالسلف لهم منهج يسيرون عليه، منهج في الاعتقاد، ومنهج في الدعوة، ومنهج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهج في الحكم بين الناس. وهذا المنهج كله متوحد على كتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, les causes de la division sont nombreuses, mais parmi les plus importantes, premièrement, il y a le fait de contredire la méthodologie des salafs parmi les sahaba et ceux qui les ont suivis. Donc nos salafs, le mot salaf en arabe signifie nos prédécesseurs, hein, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés. Et quand on en parle sur le plan religieux, ça veut dire les sahaba, les tabi'in et les tabi'in, et ceux qui les ont suivis dans leur croyance et dans leur pratique de l'islam et dans leur compréhension et leur méthodologie jusqu'à la fin des temps. Donc ceux-là, quand on dit les salaf, on parle de ceux-là. Et le terme salaf, c'est un terme qui est connu par les ulama depuis l'époque, hein, des tabi'in. Ils mentionnaient, en parlant des sahaba, ils disaient nos salaf. Hein, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Même dans Sahih al-Bukhari, il y a des chapitres qui mentionnent l'explication de certains des tabi'ins qui mentionnent nos salaf, et ils mentionnent ceux qui parlent, c'est-à-dire ceux qui les ont précédés, c'est-à-dire les sahaba. Hein? Et donc ça, c'est des choses qui sont connues. Mais Il y a des gens encore aujourd'hui qui essaient de mettre des doutes sur le terme salaf et de se dire salafi parmi les hizbiyin. Ils essaient toujours de jeter des choubouhat à ce sujet-là, mais bon, alhamdoulilah, beaucoup de gens maintenant comprennent que ces gens-là font juste jouer avec les mots pour essayer de diviser les choses, les gens, alors que les choses sont claires à ce sujet-là. Et notre manhaj, il est clair. Donc le cheikh, il dit, le manhaj, ils ont les salaf, ils ont un manhaj qu'ils suivent. Et ce manhaj, c'est le même manhaj que ce soit dans la croyance, que ce soit dans le da'wah, que ce soit dans l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, que ce soit dans le fait de juger entre les hommes. Ils ont une méthodologie dans chacun de ces points-là, et cette méthodologie-là est unifiée dans le fait de revenir au Coran et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, فَكَانَتْ هَذِهِ الْبِلَادِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَسِيرُ عَلَى هَذَا الْمَنْهَجِ كما يعرف هذا القاضي والداني القاسي والداني ولا ينكره إلا مكابر كانت هذه البلاد تسير على منهج سليم تسير على منهج السلف الصالح في العقيدة وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الحكم بين الناس بما أنزل الله كل هذا موجود ولا يزال ولله الحمد في هذه البلاد لا ينكر ذلك إلا مكابر ولكن إذا تنكرنا لهذا المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح واستوردنا مناهج من هنا وهناك تفرقنا وصار كل جماعة لها منهج يخالف منهج الجماعة الأخرى وكل جماعة تخطي الجماعة الأخرى لماذا هذا يا عباد الله ألسنا أمة واحدة أليس ديننا هو الإسلام أليس منهجنا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته أليس دليلنا ومصدرنا ومرجعنا هو كتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذن لماذا نستورد المبادئ والمناهج من هنا وهناك والواجب علينا أن نصدر هذا المنهج السليم الذي نحن عليه في بلاد العالم كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الشيخ dit que en parlant de l'Arabie Saoudite parce qu'il donne un discours à des gens qui sont là-bas il s'adresse à des gens qui sont là-bas donc il parle de ce pays-là et il explique la situation là-bas même si c'est un autre contexte dans lequel on est aujourd'hui parce qu'on n'est pas dans un pays musulman mais on peut quand même profiter de ça. Qu'est-ce que le cheikh explique? Parce que c'est des choses qui comprennent des leçons pour nous quand même. Le cheikh il dit que dans ce pays, alhamdulillah, on a toujours été sur ce manhaj, le manhaj du Coran et de la Sunna, et la voie des salafs. Et tout le monde sait ça, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin. Personne ne peut le nier, excepté quelqu'un qui fait preuve d'orgueil. Et il dit, donc on a suivi cette voie-là. Et on a toujours été sur la méthodologie des salaf al-salih dans l'aqida et dans la da'wah et dans l'ordonnance du bien et dans l'interdiction du mal et dans la façon de juger entre les gens selon ce que Allah a révélé. Tout ça c'est présent chez nous et ça continue encore, alhamdoulilah, personne ne peut le nier excepté quelqu'un qui fait preuve d'orgueil. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui maintenant, en Arabie Saoudite, ramène des méthodologies de l'extérieur. Les gens ne connaissaient que la salafia, que le tawhid, que la sunna. Maintenant, des groupes sont entrés en Arabie Saoudite, par en dessous. Et ils ont commencé à faire leur da'wah en Arabie Saoudite, mais ils appellent tous à des méthodologies différentes. Donc, le cheikh, il dit, si on laisse tomber la méthodologie sur laquelle on est, la méthodologie des salafs, le manhaj des salafs et la aqida des salafs, et qu'on commence maintenant à suivre d'autres méthodologies, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? On devient divisé. On devient comme si chaque personne, il suit un groupe qui déclare que l'autre est dans l'erreur. Comme qu'est-ce qu'on voit ici, par exemple, en Belgique, ou bien au Canada, ou bien dans d'autres pays musulmans aussi, où il y a plein de groupes. Chaque groupe prétend être celui qui suit l'islam et que les autres sont dans l'égarement, mais qui parfois font des ententes entre eux pour travailler comme Hassan al-Banna l'a fait, Hein? On travaille ensemble sur les choses sur lesquelles on est d'accord, puis on s'excuse sur les choses sur lesquelles on diverge. Donc il y a des divergences, mais on fait semblant qu'elles ne sont pas là. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, qu'est-ce qui arrive si ça devient comme ça? Chaque groupe appelle à son idée. Pourquoi ça doit être comme ça? Est-ce qu'on n'est pas une seule umma? Est-ce que notre religion, ce n'est pas l'islam? Est-ce que notre méthodologie, ce n'est pas la méthodologie du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons? Et est-ce que notre preuve et notre référence et notre source, ce n'est pas le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam? Alors pourquoi, dans ce cas-là, on a besoin de faire venir des principes et des méthodologies de telle ou de telle place? L'obligation pour nous, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est pas que des gens viennent chez nous pour nous prêcher leurs différentes méthodologies et leurs différents groupes, mais c'est que nous sortons vers les gens de l'extérieur pour les appeler à suivre le manhaj des salaf al-salih. C'est ça qui est l'obligation. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, et vous croyez en Allah. Donc c'est l'obligation pour les sahaba de faire la da'wah et de sortir pour aller prêcher cette voie. Et pour ceux qui sont sur la même aqidah et le même manhaj que les sahaba, de faire la même chose. C'est-à-dire ceux qui suivent la voie des salaf. Hein? Maintenant, c'est le contraire qui se passe. Hein? Au lieu d'être ceux qui sont en train de prêcher aux autres la vérité, eh bien, c'est le contraire qui se passe. On se fait faire une da'wah vers l'égarement, vers la hizbiyah, vers le faux, vers la division et tout autre. Au lieu d'être ceux qui appelons les gens à la vérité, c'est nous qui commençons à se faire appeler à l'égarement. Amma idha tafarraqna fa inna hadha yurdi a'da'ana. Yurdi a'da'una. Kama qala subhanahu, inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Innama amruhum ila Allah, thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. وقال سبحانه فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. Donc le cheikh il dit, si on se divise, ça fait plaisir à nos ennemis. Et il mentionne les versets 109 dans sourate Al-An'am et le verset 53 dans sourate Al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et ceux qui divisent leur religion et qui deviennent des sectes, tu n'as rien à faire avec eux. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de tous les groupes et de toutes les sectes qui ont opposé la vérité, qui ont sorti de la voie d'Ahl Sunnah. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va les juger et il va les rétribuer selon ce qu'ils, il va les informer de ce qu'ils faisaient. Et ça, c'est une menace pour ces gens-là. Et il mentionne dans le verset 53 de Sourate Al-Mu'minun, et ils se sont divisés chacun d'entre eux avec des livres différents, chaque partie se réjouissant de ce qu'il possède. Et c'est ce qui se passe maintenant. Chaque groupe de bid'a se réjouit de la bid'a qu'il suit. Hein? Et il pense qu'il est meilleur que l'autre. Inna Allah la yarda lana hada. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas satisfait de ça pour nous. Wa rasuluna sallallahu alayhi wa sallam la yarda lana hada. Wa kadhalika salafuna salih wa a'immatuna la yardauna lana hada. Donc Allah n'est pas satisfait de ça. Le messager sallallahu alayhi wa sallam n'est pas satisfait de ça pour nous. De même que nos pieux prédécesseurs, ils ne sont pas satisfaits de ça pour nous. Wa la yaliqu bina illa an nakuna jama'atan wahidatan متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, il ne nous convient pas excepté d'être un groupe unique, une jama'a unique, une seule jama'a qui s'accroche au livre d'Allah et à la sunna du messager صلى الله عليه وسلم. Et c'est ça l'obligation pour tous les musulmans partout, ici en Belgique, au Canada, en Europe, dans tous les pays d'Europe et ailleurs, que tous les mosquées, par exemple, de la Belgique reviennent au Coran et à la Sunna et s'unissent sur la compréhension des salaf al-salih et ramènent leurs divergences au livre d'Allah et à la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et que s'il y a des divergences ou des divisions qui sont causées par des passions ou des innovations ou des bid'ah, que ces gens-là abandonnent ces innovations, abandonnent ces bidas et se réunissent avec les gens qui suivent la sunna et la salafia, et qu'on devienne une seule jama'a, et que toutes les mosquées soient sur le même manhaj en Belgique, en France, en Amérique partout, dans les pays arabes et dans les pays non arabes. C'est ça qui est obligatoire. C'est ça l'obligation que Allah nous ordonne dans ce verset-là. C'est ça qu'il nous dit. Est-ce que c'est ça qu'on fait? Non. Est-ce que c'est ça qui est présent? Non. Et c'est ça que les salafis essaient de faire. Mais c'est ça que les gens, c'est ça que ces gens-là veulent empêcher les salafis de faire. Les gens pensent que les salafis veulent la division. C'est le contraire. Les salafis veulent unir tout le monde, mais pas sur n'importe quoi. Et c'est ça qui les dérange. On veut les unir, mais sur le Coran, sur la Sunna et la compréhension des salafis salih. Que toutes les mosquées soient comme une seule. Que toutes les associations soient comme une seule. Que tous les musulmans soient sur la même aqida, le même manhaj. C'est lequel? Pas celui de X ou de Y ou de Z. Non. La aqida, le manhaj des salafis salih. Celle qui est établie par le Coran et par la Sunna et qui a été suivie par les Sahaba et les Tabi'in et ceux qui les ont suivis à travers les siècles de l'islam. C'est ça. C'est à ça qu'on appelle. C'est pas compliqué. Hein? C'est pas aussi compliqué que ces gens-là essaient de faire croire les gens. Donc le cheikh, il dit qu'on doit donc s'unir et être une seule jama'a qui s'accroche au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, c'est rendu à un point très grave que parfois, comme le cheikh il explique, on est supposé d'être ceux qui appellent les autres. Mais, étant donné que parfois on n'apprend pas notre religion correctement, on ne fait pas des efforts pour étudier, et après, hein, on ne fait pas d'efforts non plus pour appeler les autres à l'islam. Eh bien, le résultat de ça, c'est que parfois, on commence à, au lieu de aller unir les autres et les appeler à s'unir avec nous, on se divise entre nous. Et on commence à se frapper les uns les autres à l'intérieur, alors qu'on est supposé d'être ceux qui appellent les autres à s'unir à la vérité et sur la vérité. Donc ça, c'est pas correct. Ça prouve que des fois, ça prouve que il y a des problèmes dans notre personne, sur le plan de la connaissance, sur le plan de nos cœurs aussi. Des fois, c'est des maladies qui sont à l'intérieur de nous, qui se manifestent de différentes façons. Parfois c'est la jalousie, parfois c'est le fait de vouloir être à l'avant des autres, vouloir être chef, l'amour du pouvoir, l'amour de l'argent, l'amour d'autres choses. Toutes ces choses-là peuvent être des causes parfois de la division. Parce qu'on n'est pas assez sincère parfois. Mais tout ça, ça peut se régler, Inch'Allah, si on revient à nous-mêmes. Et si on se corrige en soi-même, et si on se repent à Allah, puis on essaie d'être sincère. Donc le cheikh il dit, al-jama'at al-islamiyya fi kharij biladina tafarraqat, fala yasri hadha at-tafarruq ilayna, wa la yadkhul biladuna, wa la yufsid shababana, wa la yuzil hadhihi an-ni'ma allati na'ishu fiha. Donc il dit, ces groupes islamiques-là, à l'extérieur de notre pays, se sont divisés. Et on ne veut pas que cette division-là commence à se propager à l'intérieur de notre pays. Et commence à corrompre nos jeunes. Et nous fasse perdre cette grâce dans laquelle nous vivons. Hein? Subhanallah. C'est comme j'ai entendu un cheikh une fois qui expliquait, il disait, Hassan al-Banna, il est venu à l'époque d'Abdul Aziz, al-Sheikh. Abdelaziz Ibn Saoud, il est venu pour lui dire, on veut ouvrir un bureau de l'Ikhwan al-Muslimin en Arabie Saoudite. Est-ce que vous nous permettez? Il a dit, vous avez fait ce groupe-là, soi-disant, pour établir la charia dans vos pays. Il dit, nous, on a déjà la charia ici. Pourquoi vous voulez ouvrir un bureau ici? On n'a pas besoin. Hein? Donc, c'est pour dire, regardez l'exemple, que ces gens-là ont toujours voulu s'infiltrer là-bas. Mais quand ils n'ont pas été capables de s'infiltrer ouvertement, parce qu'on ne leur a pas donné la permission de propager leur bid'a là-bas, eh bien, ils ont trouvé des moyens en sourdine pour propager leur groupe et leur secte dans le pays de l'Arabie Saoudite. Et c'est pour ça que maintenant, en Arabie Saoudite, il y a plein de Ikhwan. Il y a plein de gens qui font partie des Ikhwan muslimines. Et ils ont des petites différences par rapport à certains aspects de ce qu'ils suivent qui diffèrent de ce qu'on voit dans les autres pays des Ikhwan. C'est pour ça que des fois les gens les confondent. Parfois ils confondent. Quand ils les voient, ils pensent, quand ils les voient en apparence, que ce sont des salafis. Hein, ils portent la barbe et ils parlent. « Qala Allah, qala Rasulullah, qala Ibn Taymiyyah, qala Ibn Qayyim al-Jawziyyah, qala Ibn Baz, hein, Ibn Uthaymin. » Ils mentionnent les noms des ulama. Et ils se donnent une apparence de salafis. Donc quand les gens les voient à l'extérieur, ils vont dire « Ces gens-là sont des salafis. » Mais la réalité, c'est que leur manhaj, c'est le manhaj des Ikhwan. Donc ce ne sont pas des salafis. Il ne faut pas se laisser tromper. Et dans les pays, dans d'autres pays également, il y a la même chose. Vous allez voir par exemple en Égypte, il y a un groupe de gens qui s'appellent salafis. Et même dans les élections, ils ont parlé de ce groupe-là. Même dans les médias occidentaux, ils disaient il y a des salafis en Égypte qui ont rentré dans les élections et qui font partie des gens qui rentrent dans les élections. Et ils les appellent salafis. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ces gens-là n'ont rien à voir avec la salafie. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre ces prêcheurs-là sont devenus célèbres parce qu'ils ont des émissions de télévision. Donc, étant donné qu'ils ont des émissions de télévision et que les gens les écoutent régulièrement, bien, les gens commencent à les aimer et ils commencent à avoir une certaine popularité. Hein? Et donc, ils deviennent populaires, eh bien, les gens commencent à les aimer, ils n'acceptent pas qu'on parle d'eux ou qu'on mentionne d'eux quelque chose, même si c'est vrai. Et c'est une de leurs ruses. Parfois, on va en parler plus tard, Inch'Allah, de ça, de ce groupe-là en Égypte qui se prétend salafi, mais qui contredit les principes de la salafia, par exemple, qui rentre dans les élections. Hein? Il y a beaucoup d'autres éléments qu'ils font, comme ils participent aux manifestations et autres choses de ce genre. Donc, ce ne sont pas des salafis, même s'ils se prétendent salafis. Et parmi eux, par exemple, Mohamed Hassan, Abu Ishaq al-Huwayni, Mohamed Hussein Yaqub, et d'autres encore. Et c'est devenu, ces gens sont devenus maintenant des vedettes dans les pays musulmans. Hein? Et donc c'est rendu à un point tel que si les Hizbiyins veulent discréditer quelqu'un ou faire fuir les gens de quelqu'un, ils ont juste à leur dire une chose. Lui, il critique un tel de ses prêcheurs qui passent à la télé, qui sont des vedettes. Il dit de lui qu'il a des erreurs, qu'il fait des choses contraires à la vérité. Et ça, pour eux, ça suffit. Ça. Oh, il dit ça de lui. Ah non, ça, je veux rien savoir de ces gens-là. Hein? Mais ils vont même pas regarder qu'est-ce qu'on a dit sur eux. Ils vont même pas lire les preuves qui ont été mentionnées à ce sujet-là, ni écouter les paroles des ulama au sujet de ces mises en garde-là. Donc si quelqu'un ne fait pas preuve de sincérité pour prêter l'oreille et écouter les ulama, qu'est-ce qu'eux ont dit à propos de ces gens-là, il va jamais distinguer entre la vérité et le faux. Hein? Et justement, Yanni, subhanallah, juste pour vous montrer la preuve de la sincérité des ulama de l'Ahl-Sunnah et des ulama salafiyin. Parce que quelqu'un qui est sincère, il peut pas faire. Quelqu'un qui n'est pas sincère, il ne va pas écrire un livre de 1000 pages pour mettre les musulmans en garde de certaines erreurs de certaines personnes. Quand c'est des questions qui ont rapport avec la religion. Et ça, c'est un livre, par exemple, Al-Hudud al-Fasila, Baina Usul. منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية. القطبية السرورية c'est quoi? القطبية c'est ceux qui suivent Sayyid Qutb et son manhaj et sa méthodologie et sa pensée. Et السرورية c'est ceux qui suivent la pensée et la méthodologie de Mohamed Zain Abidine Surur, hein, un Syrien d'origine qui était en Arabie Saoudite et qui s'est enfui en Angleterre. Hein, pour aller établir son organisation et sa da'wa là-bas. Et c'est de eux dont je... Donc il a quitté dans la Tawhid pour aller en Angleterre pour établir sa da'wa. Bon, qu'est-ce qu'il fait celui-là, Mohamed Surur? C'est deux dont je parle en fait. Des Saoudiens Ikhwan. C'est cette tendance-là. Il y a des aspects de leur da'wa qui ressemblent à des aspects de la da'wa des salafs. Sur certains points. Mais, dans certains aspects, il y a des contradictions et des oppositions. Par exemple, ils font tout pour défendre les gens de bid'ah. Et ils refusent qu'on, qu'on critique ou qu'on mette en garde contre les gens de bid'ah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ils rentrent dans les élections et dans les manifestations. Et ils critiquent et ils dénigrent les ulama de Ahlus Sunnah. Et ils élèvent les gens de bid'ah et ils leur cherchent des excuses et ils les flattent dans le sens du poil. Donc, ce livre-là est écrit par le cheikh Khalid, hein, Khalid ibn Othman, ibn Muhammad ibn Othman, Abu Abdullah. Et c'est un livre, comme je disais, c'est environ 1000 pages, si je ne me trompe pas, hein, presque 1000 pages, 900 pages, où il parle de certaines de ces du'as dont j'ai mentionné, qui sont devenues des vedettes. Et donc, quelqu'un qui n'est pas sincère, il ne va pas écrire un livre comme ça, hein, pour expliquer ces choses-là et clarifier la vérité pour les musulmans au sujet de ces gens-là. Maintenant, si vous voulez savoir des détails par rapport à ce qu'on reproche à ces prêcheurs-là, eh bien, je vous conseille ce livre. Il est en arabe, mais bon, il y a toujours possibilité de demander à quelqu'un qui connaît l'arabe de vous expliquer certains passages ou certains points en particulier si vous en avez besoin de clarification. Et il y a des détails là-dedans. Et c'est pas juste passer par-dessus les sujets de façon superficielle. Non, c'est vraiment une étude, une analyse en profondeur avec les références et les preuves à l'appui. D'accord? Pour vraiment comprendre la réalité de, des problèmes de ces individus-là. Donc ça, c'est juste un exemple que je vous donne en passant pour dire que, et il y a des prêcheurs ici maintenant, en Belgique et en France qui suivent cette tendance-là. Hein? Vous avez sûrement entendu parler de celui qui s'appelle Rachid de Brest. Il fait partie de ces gens-là. Nader Abu Anas. Vous avez entendu parler ici de Mustafa Kastit. Il suit cette tendance-là aussi. C'est qui l'autre qui, un frère qui m'a dit que une des têtes des Sururiya, Tushgani? Khalid Aynan. C'est une des têtes des Sururiya ici en Belgique. Il est ici. Il représente Mohamed Sourour. Et les gens de cette tendance-là qui sont ici. Mais si les gens ne savent pas ça, comment ils vont faire attention? Comment ils vont se préserver contre ces gens-là? Si on ne leur a pas clarifié, si on ne les a pas avertis, si on ne on les met pas en garde. Hein? Pourtant, eux, ils mettent en garde contre nous. Eux, ils mettent en garde contre nous par tous les moyens, de toutes les façons. Hein? Et leur manhaj, leur méthodologie qui est contraire au Coran et à la Sunna, elle est claire, elle est apparente. On peut voir tout de suite que ce n'est pas la voie des salafs. Hein? Donc il ne faut pas se cacher sur ce sujet-là. Il faut être clair nous aussi. Il faut mentionner les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas dans le but de dénigrer quelqu'un, d'insulter quelqu'un, de rabaisser quelqu'un, ou de faire en sorte que moins de gens l'écoutent que nous. Pour que nous, on ait plus de personnes qui nous suivent et qui nous écoutent, et que lui, il en ait moins. Ou que de penser que si lui, il a plus de personnes qui l'écoutent, qu'il a plus de vérité, ou qu'il est plus sur la haq, et que si l'autre en a moins, qu'il est moins sur la vérité. Parce que la vérité et le faux, ça n'a pas de lien avec le nombre. Il y a des prophètes qui vont arriver au jour de la résurrection, qui vont être suivis par deux ou trois personnes seulement. Et d'autres qui vont arriver devant Allah au jour de la résurrection, personne ne les suit, personne ne les a suivis. Pourtant, c'est des messagers d'Allah, des prophètes d'Allah. Est-ce qu'ils n'ont pas transmis le message d'Allah correctement? Oui. Mais, c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a seulement ordonné de transmettre sa religion. In alayka illa al-balagh. Wa ma ala al-rasuli illa al-balagh al-mubin. Il n'incombe au messager que de transmettre de façon claire le message d'Allah. Et on n'appelle pas à nous-mêmes. Ce n'est pas une da'wah qu'on fait que ici je vous appelle écoutez Souleymane Al-Haïti. Parce que Souleymane Al-Haïti, hein, ça ne vaut pas la peine, je vous avertis. Hein. Si vous voulez vraiment suivre quelque chose, suivez le Coran et la Sunna et suivez nos ulama. Et moi je viens ici seulement pour vous lire qu'est-ce que les ulama ont dit. Si vous pouvez lire l'arabe, vous n'avez pas besoin de moi. Le livre il est là. Hein? Vous pouvez rentrer chez vous, aller écouter les durus en arabe, lire les livres si vous êtes capable. Hein? Mais sinon, si vous n'avez pas encore l'arabe, vous voulez profiter quand même, pour ne pas vous laisser embarquer par les hezbiyens en attendant, et vous profitez un peu, inshallah, pendant ce temps-là. Mais ce n'est pas un da'wah à soi-même, on appelle à Allah. Hein? Et même quand vous allez, par exemple, il y a des frères qui vont étudier en Arabie Saoudite, qui vont être acceptés à médecine. Même là-bas, il y a des hezbiyens. La preuve, Mustafa Kastit, il est gradué de médecine. Hein? Eh bien, qu'est-ce qui se passe pendant les deux années que les gens qui n'ont pas encore l'arabe vont étudier là-bas? Pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas s'asseoir avec les ulama parce qu'ils ne comprennent pas l'arabe. Donc, qu'est-ce qui se fait? Ils se créent des petits groupes. En attendant, pendant ces deux années-là que les gens apprennent l'arabe, il y a des petits groupes de hezbiyens qui essaient d'attirer les nouveaux, les gens qui arrivent à des petits groupes, pour les éloigner des ulama, les éloigner des salafiyins. Et quand le temps arrive pour qu'ils connaissent l'arabe et qu'ils rentrent dans la faculté, eh bien, ils sont déjà pris avec les hezbiyins maintenant. Et même, alors que c'est le moment maintenant qu'ils ont la connaissance de l'arabe, ils peuvent profiter des ulama, eh bien, c'est fini parce qu'on les a corrompus maintenant. Donc, ils pensent même plus à aller s'asseoir dans les durus des ulama maintenant parce que ils ont été pris. Hein, dans la hezbiya. Donc c'est toutes des choses qu'il faut dire aux gens, qu'il faut mentionner aux gens, parce que sinon ils tombent dans le tourbillon de ces idées-là, et puis ils se laissent égarer par la suite facilement. Donc, la première cause de division, c'est, qu'est-ce qu'on a mentionné, le fait de ne pas prendre comme méthodologie la méthodologie de nos salafs salih. Et c'est ça ce qu'on voit. Et les gens, des fois, ils disent, mais pourquoi vous mentionnez tout le temps les questions de manhaj et des choses de ce genre? Pourquoi vous pensez, pourquoi vous faites pas comme les hezbiyens, ils font, ils vont faire des durus sur d'autres sujets, mais ils vont jamais parler de manhaj. Pourquoi? Ils vont jamais parler de aqida non plus. Pourquoi? Parce que, justement, leur but, c'est de détruire le manhaj. Donc, ils vont pas parler de manhaj. S'ils parlent de manhaj, les gens vont savoir qu'ils sont déviés directement. Et eux, leur but, c'est d'attirer les gens. Donc, ils vont parler de tout, d'autres sujets, de tout, sauf de aqida et de manhaj. Hein? Et ils se cachent derrière ça pour attirer le commun du musulman qui ne connaît rien de la hizbiya, mais ils les attirent vers eux, donc ils attirent des sympathisants. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont peut-être pas eux-mêmes des hezbiyens, mais qui, à cause de ces gens-là, commencent à avoir de l'amour pour eux, et un attachement, et une sympathie pour eux, parce qu'ils les voient en apparence en train d'être en train d'appeler à des choses qui sont connues de l'islam, que tout le monde aime et respecte et accepte, hein, comme par exemple, Qisasul Anbiya. Ils vont faire des durus sur Qisasul Anbiya, ça c'est quelque chose, alhamdoulilah, tout le monde aime. Parce que c'est l'histoire de nos prophètes. Hein? Sauf que si quelqu'un, avant, il y a un estasi, s'il n'a pas bien compris le manhaj et l'aqida, il ne va pas profiter correctement de manhaj et l'anbiya. La preuve, regardez comment ces gens-là ont contredit la da'wah des anbiya et la méthodologie des prophètes dans la da'wah à Allah. Et ils parlent des histoires des prophètes. Qu'est-ce qu'ils ont tiré de bien de ces histoires des prophètes? S'ils ne sont pas capables de suivre leur méthodologie et leur exemple dans la da'wah, et qu'ils contredisent l'exemple des prophètes dans la da'wah. Donc, en fait, que si on veut, on peut comprendre la hizbiya, c'est quoi? C'est comme un genre de virus, hein, comme dans les ordinateurs. Si tu as ce virus dans ton programme, ça veut dire que le reste ne va pas fonctionner. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire en donnant des durus sur le manhaj, sur l'aqida, c'est essayer de nettoyer ce virus-là pour l'enlever. C'est comme l'antivirus. Une fois que tu l'as enlevé, après ton programme il fonctionne, inshallah, tu peux profiter du reste. Mais il faut commencer par l'enlever, ce virus-là. Si tu ne l'as pas enlevé, c'est fini. Si quelqu'un ne l'a pas, alhamdoulilah, il va apprendre l'aqida et le manhaj, il va avoir un islam clair. Son islam va être complet. Il va comprendre les choses clairement et facilement. Parce qu'il n'a pas été pollué à l'avance. Mais si c'est quelqu'un qui a été pollué par une aqida de bid'a, ou une idée des takfirines, ou de khawarij, ou de la bid'a des asha'ira, ou d'autres, ou des soufis, puis que tu lui montres la sunna par la suite, il ne veut pas l'accepter. Alors que c'est la sunna, il ne veut pas l'accepter, parce qu'il est corrompu dans sa aqida. Il a un virus. Donc, il faut corriger ça. Et ce n'est pas par le fait d'essayer d'attirer la masse, d'attirer le plus de monde possible, pour que tout le monde nous aime, de faire que les gens nous aiment. Parce que c'est ça qu'ils veulent faire, eux, que les gens les aiment. Et donc, éviter de parler des sujets qui vont créer des tensions ou des frictions, et de parler juste de qu'est-ce que tout le monde accepte, hein, sous prétexte de vouloir unir tout le monde. Et nous, on paraît par la suite comme étant les grands méchants loups. Pourquoi? Parce qu'on parle de sujets qui dérangent. Ah, eux, là, ils sont toujours en train de parler de ça. Nous, on veut la fraternité, on veut l'unité, on veut s'amuser, on veut sourire, on veut... Hein? Nous, on ne dit pas qu'il ne faut pas être fraternel, il ne faut pas sourire, il ne faut pas s'aimer entre nous. Au contraire, il faut s'aimer, il faut avoir la fraternité, il faut sourire les uns dans le visage de l'autre. Il faut faire ces choses-là. Mais, avant toute chose, corriger les problèmes dans les bases qui existent. Parce que ces problèmes-là, si on ne les a pas corrigés, ça nous empêche par la suite d'avancer. Tôt ou tard, ça va exploser. Hein? Donc, c'est ça le point important à comprendre. Donc ça, c'est pour la première cause de division. Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Et puis on continuera pour expliquer la deuxième cause, et ça c'est une cause importante, et vous allez comprendre, Inch'Allah, par la suite, en écoutant cette deuxième partie, ou la troisième partie plutôt, beaucoup de choses qui ont rapport justement aux ruses des Hizbiyin, et comment ils font pour détourner les jeunes de la voie des ulama d'Ahlus Sunnah, et des salaf al-salih, hein? Et donc on va laisser ça pour demain, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.